Bonjour tout le monde, c'est l'heure du japonais en douceur de NHK World Radio Japon. Je suis Adrien Lachance. Je suis Mélanie Marx. Découvrons ensemble le plaisir d'apprendre le japonais. Nous arrivons à la leçon 36. La phrase clé aujourd'hui est... Je dois étudier. Le personnage principal de notre sketch est Anna, une étudiante internationale originaire de Thaïlande. Après un séjour agréable à Shizuoka, Anna et Sakura rentrent à Tokyo. Kenta est à la gare pour leur dire au revoir. Écoutons le sketch de la leçon 36. La phrase clé est... Je dois étudier. Il faut que j'étudie. Laissez-moi vous expliquer le sketch. Kenta a dit à Anna: Sabishikunarimasu. Tu vas me manquer. Sabishiku est la forme adverbiale de l'adjectif sabishi. Seul, triste. Les adjectifs en « i » qui se terminent avec la syllabe « i » deviennent des adverbes si l'on remplace « i » par « ku ». Vous vous en souvenez ? « Narimasu ». Être, devenir, est un verbe qui exprime le fait qu'une personne ou une chose changera afin d'être dans une certaine condition. « Sabishiku narimasu » signifie « tu vas me manquer ». Littéralement, « je vais me sentir seul », n'est-ce pas ? Oui, on le dit souvent lorsqu'on dit « au revoir » à quelqu'un. Revenons à notre sketch. Anna répond: Toi aussi, tu vas me manquer. Je vais me sentir seul aussi. Watashi signifie je, moi. Mo est une particule qui signifie aussi, également. Des est une expression polie qui conclut une phrase. Watashi mo des signifie moi aussi. Plus littéralement, je vais me sentir seul aussi. Demo, daigaku de benkyou shinakereba narimasen. Mais je dois étudier à mon université. Demo signifie mais. Daigaku signifie université. De a est une particule qui indique un lieu. Benkyou shinakereba narimasen signifie il faut que j'étudie, je dois étudier, j'ai besoin d'étudier. Nakereba narimasen. Faut, doit, besoin de. Exprime le fait qu'on doit faire quelque chose par obligation ou nécessité. Les verbes prennent la forme en « ai » devant « nakereba narimasen ». La forme en « ai » est employée pour exprimer un refus informel, n'est-ce pas ? Vous avez appris à créer la forme en « ai » des verbes dans la leçon 21. Étudier, c'est « benkyo shimasu ». Sa forme en « ai » est « benkyo shinai ». Ne pas étudier. Pour dire « tu dois étudier », on remplace « nai » par « nakereba narimasen » et on dit « benkyo shinakereba narimasen ». Je dois étudier est notre phrase clé aujourd'hui. Exerçons-nous à la dire. Benkyo shinakereba narimasen. Kenta dit à Anna: Ja, boku ga haru yasumi ni Tokyo ni ikimasu. Alors je vais aller à Tokyo durant les vacances de printemps. Ja. Signifie « alors, dans ce cas ». C'est une façon informelle de dire « では ». « Boku » signifie « je ». C'est un terme informel utilisé par un homme lorsqu'il fait référence à lui-même. Lors d'une occasion officielle, un homme utilise aussi « watashi ».« Na » est la particule qui indique le sujet. « Haruyasumi » signifie « vacances de printemps ». C'est la combinaison de « haru » printemps et de yasumi vacances. La particule ni placée après vacances de printemps indique le temps. Tokyo signifie Tokyo. La particule ni placée après Tokyo indique la direction d'un mouvement. Ikimasu signifie aller. Adrien, haru c'est printemps. Veuillez nous enseigner les mots pour les trois autres saisons. D'accord. Le Japon compte quatre saisons. En plus du printemps, il y a l'été, qui se dit natsu, l'automne, qui est aki, et enfin l'hiver. Haru, natsu, aki, fuyu. Donc, les vacances d'hiver, c'est fuyu yasumi? Exact. Vous aimez les vacances? Vous semblez apprendre rapidement les mots qui décrivent les choses que vous aimez. Arigato gozaimasu. Écoutons à nouveau le sketch de la leçon 36. La phrase clé aujourd'hui est... Je dois étudier. Passons à notre rubrique « Enseignez-nous, professeur ». La responsable de cette émission, la professeure Akane Tokunaga, nous enseigne le point d'apprentissage du jour. Aujourd'hui, nous avons appris comment dire « il faut que j'étudie » en japonais. « Benkyo shinakereba narimasen ». Veuillez nous en dire plus concernant une telle expression d'obligation. Demandons à notre professeur. Lorsque l'on dit que l'on doit ou que l'on a besoin de faire quelque chose, on remplace « nai », placé à la fin des verbes en « nai » par « nakereba narimasen ». Par exemple, si l'on veut dire « il faut que j'étudie », on met d'abord le verbe « benkyou shimasu » étudier à sa forme en « nai ». Benkyoshinai. Ensuite, on remplace nai par nakereba narimasen. Donc, on dit Benkyoshinakereba narimasen. De manière informelle, nakereba narimasen. Il faut que, devoir, avoir besoin de, devient nakya. Donc, on dit Benkyoshinakya. Si l'on n'a pas besoin de faire quelque chose, on remplace nai par je ne dois pas, c'est-à-dire なくてもいいです. Ainsi, lorsque l'on dit « je ne suis pas obligé d'étudier », on remplace « nai » dans « benkyo shinai », pas étudier, par « なくてもいいです. Et on dit « benkyo しなくてもいいです. Mais je rappelle à tous l'importance d'étudier. C'était notre rubrique « Enseignez-nous, professeur ». Voici maintenant notre rubrique « Mots descriptifs des sons ». Nous vous présentons ici des mots qui contiennent des sons évoquant des bruits particuliers, des voix ou des comportements. C'est le vent qui souffle fort. Voici un mot qui décrit ce type de son. Hiu-hiu. Hiu-hiu. C'est le son du vent qui continue de souffler. On l'utilise aussi pour décrire l'air froid qui pénètre dans les fissures. Et si le vent est plus fort? Piu, piu. Piu, piu. Maintenant, la vitesse du vent s'accélère. Et lorsque le vent souffle encore plus vite et plus fort? Biu, biu. Hu, hu. Piu, piu. Biu, biu. Ils sont tous similaires, mais ils montrent bien comment les Japonais expriment les divers types de vent en modifiant légèrement leur son. Dans notre rubrique « Mots descriptifs des sons » aujourd'hui, nous vous avons fait découvrir « Hiu-hiu, piu-piu, biu-biu ». Avant de conclure, Anna se remémore les événements de la journée et ses tweets. C'est notre rubrique « Les tweets d'Anna ». En plus des vacances estivales, les écoles japonaises ont aussi des vacances en hiver et au printemps. Chaque saison offre son type de plaisir, la mer en été et le ski en hiver. C'est super, non ? La leçon 36 vous a plu ? Notre phrase clé aujourd'hui était... Je dois étudier. La prochaine fois, Anna discutera avec la mère de son dortoir. Ne manquez pas cette prochaine leçon.